Analyse du 1er janvier 2022 par Thierry Pirlo, Sherpa Wadm. Les 5 grilles de lecture. Regardez Dr Alice Débiol sur le pass vaccinal. Je ne suis pas sûre de son efficacité sur YouTube. Vidéo très intéressante du Dr Débiol. Vous devez comprendre à cette heure qu'il y a actuellement 5 grilles de lecture dans la société par rapport à ce que nous vivons et donc 5 interprétations de ce que nous subissons. Le premier niveau de lecture est celui de 50% des citoyens qui comprennent que rien n'est normal, mais qui obéissent aveuglément en confiance dans le système médical et dans nos politiques. Leur dissonance cognitive est entretenue par les médias. Leur naïveté, qui à cette heure en devient pathétique, et leur conviction que ce qui ne va pas s'explique par l'incompétence de ces mêmes politiques, est saisissante. Or, il n'y a nulle incompétence dans le système totalitaire qui s'installe, seule la feuille de route des mondialistes qui est à prendre en compte. Le deuxième niveau de lecture se fait par des nouveaux éveillés, environ 20%, en général vaccinés 2 doses, ou toujours non vaccinés, qui se rendent compte de la carotte et refusent la troisième ou continuent à tenir bon par rapport à la vax non obligatoire mais fortement imposée. Leur compréhension est relayée et confirmée par des médecins, des scientifiques résistants qui sont extrêmement lucides dans leur spécialité et qui ne comprennent pas la politique sanitaire, à l'instar de cette excellente Alice Débiol qui fait un état des lieux sans concession, sans toutefois y voir une mainmise réelle des politiques pour instaurer une dictature sous couvert de cette pseudo-pandémie. Elle est d'ailleurs convaincue que ce n'est que le début de nombreuses pandémies, sans accorder de crédit à une guerre bactériologique organisée par les mondialistes et qui n'a donc rien à voir avec la déforestation. Ce discours amène donc de l'eau au moulin, non pas des complotistes, mais des vrais comploteurs, que sont nos dirigeants au service d'un nouvel ordre mondial. Comme Perron, Raoult et bien d'autres, ils et elles stigmatisent l'incompétence de ces mêmes politiques ou les gigantesques conflits d'intérêts de certains médecins envers Big Pharma aux dépens de la santé des patients en général. Mais Big Pharma n'est que l'arbre qui cache la forêt. Il ne s'agit donc pas d'incompétence ou de mauvaises décisions politiques, mais de l'utilisation de ces mêmes médecins corrompus pour atteindre les objectifs de coercition des peuples par l'obéissance totale des citoyens à genoux en imposant un système extrêmement intelligent relevant de l'ingénierie sociale. La docteur Débiol a donc bien sûr raison sur le résultat, mais ne comprend pas la dimension politique de la pandémie dont le Covid-19 n'est que le couteau suisse et focalise donc sur la forme et non sur le fond. La troisième grille de lecture est celle des 25% de vrais éveillés convaincus que tout ce bordel de Corona Circus, qui fait 99,98% de survivants, n'est que l'outil des mondialistes pour instaurer un nouvel ordre mondial totalitaire basé sur le modèle chinois avec crédit social, passeport numérique et tutti quanti. Cette catégorie n'est confirmée par aucun média mainstream et n'obtient ses informations que par les infos alternatives sur Internet. Cette catégorie est convaincue que nous allons de façon claire et nette droit dans la direction du NOM, Nouvel Ordre Mondial, et que rien n'empêchera les mondialistes de nous emmener vers une crise économique systémique par le chaos, orbo ab chaos, dans une société complètement écrasée sous contrôle, au détriment de toutes nos libertés. La quatrième grille de lecture est faite par environ 4% de la population, composée de gens très éveillés et lanceurs d'alerte, ayant une lecture qui s'appuie sur de très nombreuses années de recherche et de compréhension au fur et à mesure de l'accomplissement du plan des mondialistes qu'ils connaissent depuis très longtemps et qu'ils analysent au fil du temps et des événements. Cette catégorie est convaincue de l'existence d'une troisième guerre mondiale en cours, de l'existence d'un plan divin et d'une alliance qui œuvre pour le bien de l'humanité depuis des décennies, 1963 en réalité, depuis la mort de JFK. Cette catégorie ne suit que son instinct et la logique de la combinaison de milliers de pièces d'un puzzle qui prendra vraiment forme à partir de janvier 2020 au prix de centaines d'heures de recherche. Ces lanceurs d'alerte et soldats numériques sont convaincus que cette guerre est déjà gagnée depuis 2018, que le narratif actuel est déroulé par cette alliance et n'a pour but que le grand réveil de l'humanité en dévoilant par de nombreuses révélations la tyrannie de nos élites corrompues et sous chantage. Les gouvernements seraient à cette heure sous commandement militaire. Dans cette catégorie réside encore 1% de complotistes convaincus que des races extraterrestres, sont parmi nous, des positives et de très négatives, et qu'une confédération galactique nous surveille dans la moindre de nos décisions et actions en tant que race humaine. Cette théorie émet l'hypothèse que nous atteignons en ce moment même le point de rupture où la race humaine a toutes les cartes en main pour soit régresser et se casser la gueule comme les Romains, soit au contraire continuer son évolution au sein de cette confédération par un premier contact et une future collaboration étroite avec de nombreuses races bien plus évoluées que la nôtre. Les galactiques seraient en ce moment même en train de nous filer un sacré coup de main afin de nous aider à faire les bons choix. Quoi qu'il en soit, le Covid-19 ne sort ni du cul d'un pangolin, ni ne s'est échappé d'un labo P4 chinois. Nous devrions être très vite fixés sur ce qu'il en est vraiment de cette crise mondiale, car 2022 est une période de nettoyage au Karcher de la planète et de l'humanité tout entière. Probablement la période la plus fascinante de l'humanité. Sharpa One.